Ah, c'est fou la roulade. 89-1. Assemblage requis, une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On parle avec Karim Ouellet de son nouvel album Plume. Et on reçoit Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 24 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et bienvenue à vous, les requins. Ben oui, bon matin. Bon matin, j'espère que vous avez bien lavé vos dents de requin. et comme à chaque jour. Ben, comme deux fois par jour. Deux fois par jour. faut pas lésiner là-dessus, François-Olivier Marchand. Non, c'est important. On apprend cette leçon dans la vie. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, à l'émission, on a un plan, comme toujours, très chargé, particulièrement aujourd'hui, je trouve. Oui, exactement. On reçoit Karim Ouellet en entrevue téléphonique ce matin. Génial. Karim Ouellet, celui qu'on connaît de la pièce Météore. Oui. Que presque tout le monde aime, je pense. Moi, je l'adore, cette pièce. Moi aussi. C'est une de mes pièces préférées du moment, certainement. Donc, Karim Ouellet vers les 7h30. Ensuite, à 8h, comme tous les jeudis, on aura Simon Fitzbay pour sa chronique Rock Phénomène. Il nous parle de Jimi Hendrix. Oh, OK. Merveilleux. Et puis on reçoit. Prends des notes, il y a un examen à la fin de l'émission. Ben, c'est ça que je fais, là. Jimi Hendrix. C'est juste J-I-M-I, je pense, comme bizarre. Oh, il n'y a pas de M. Non. Oh, je pense pas. Oh, bon. Et puis François Landry aussi, qu'on reçoit avec sa chronique Logocratie 101. Oui, et cette semaine, il nous parle des élections. Ça dit aux urnes citoyens. Oh. Ah, ah, ah! Ben, on sait que les élections s'en viennent à grands pas. Oui, le 2 ou le 9 mai, quelque chose de genre. Ouais, ouais. Ben, j'ai la date du 2, là. T'as deux? Ben, peut-être. On lui demandera tantôt. Non, moi, oui, je pense que François va nous dire ça sans problème. Pas au courant tout à fait de ça, moi. Donc, c'est pas mal le plan pour l'émission d'aujourd'hui. Ça va être assez chargé du début à la fin. On va avoir le temps pour jouer un petit peu de musique entre tout ça. Donc, commençons avec Valse pariétaire. Voici Métamnèse au 89.5. Yeah. C'était Rural Alberta Advantage avec Stamp au 89 FM à Assemblage Rocky. François, je pense que t'aimes ça. J'adore ça. Hey, pour vrai, tu viens de me rendre de bonne humeur ce matin. Carlin, mais tu m'as caché ça tout ce temps-là que t'aimais ça, toi. Ben non, mais je te l'ai déjà dit. Je sais, on a joué à tous les jours, c'est l'ironie de la. Mais non, on a fait jouer une autre fois cette semaine. Ah, t'as raison. Une autre fois. J'ai calculé. T'as un quota de fois que tu peux la jouer. Je veux pas la faire jouer à tous les jours non plus. Mais deux fois par semaine, c'est correct. Tantôt, si t'es fin, là, entre 14h et 17h, je vais te refaire jouer dans les palmarès, c'est fou, OK? Cool. Je vais faire ça pour toi. Parfait. Je fais ça. Ouais. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Si on peut s'aider l'un l'autre, Caroline, François, c'est, cette relation est tellement simple et en même temps compliquée. Simple. Oui, et en même temps belle. Oh, ouais. Et en même temps laide. C'est comme vraiment les deux bords de chaque chose. On retourne à la musique avant de recevoir Karim Ouellet, à qui on va parler tantôt de son nouvel album Plume. Vous connaissez Karim Ouellet, on le fait jouer ici très, très, très, très fréquemment. Lui, oui, tout à fait. On pourrait dire que pendant un certain bout de temps, on le fait jouer à pas mal tous les jours. Oui, je pense que oui. Je pense que ce serait honnête de le dire. Donc, tout à l'heure, Karim Ouellet, mais avant ça, on retourne avec Peter. Voici Omar. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale.

laisse passer mon œil. Mais qui peut m'en vouloir d'y croire quand tu n'as plus de peine de tâcher dans ton cœur en couleur. Je t'aime, le temps passe beaucoup. Ciel, il se casse le cou. Le temps passe beaucoup trop vite. C'est fou, boum, dans vos oreilles. De Karim Ouellet. Avant, c'était En couleur, deux pièces de l'album Plume, et on remercie évidemment Karim Ouellet pour sa présence à l'émission. Fort sympathique. Très apprécié. Enjoué. Enjoué. Oui, oui. Okay. On l'aime, c'est ça que ça veut dire. Oh, oui, tout à fait. Pas compliqué, ça? Non. Pourquoi se casser la tête? Hein? C'est très bon ce qu'il fait, d'ailleurs. Oui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, à l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes environ, on va avoir Simon Fitzbé. Simon Fitzbé avec le Simon Fitzbé. Que dire de plus? Je ne sais pas. C'est un peu ça qu'on fait. On dit rien de plus. Et après Simon, en fait, on soit... François Landry. Monsieur Landry. Oui, tout à l'heure avec sa chronique politique, mais pour l'instant, voici Colorado et Juliet. Yeah. OK,

they don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Pour la première fois, Assemblage Requis. C'est la pièce de Stand par Mother Mother. On pense à se faire faire un petit jingle pour la première fois à Assemblage Requis. Des fois, ça nous arrive de jouer des pièces qui sont pas dans le palmarès, tu sais. Oui, tout à fait. Et même si des fois on dit Mother Mother, on pense souvent que c'est la même pièce, mais non. Non, ça était une autre parce que Chasing It Down est dans le palmarès, mais ça, c'était The Stand. C'était un petit essai. J'aimais bien cette pièce-là. Et la voilà à la radio. Elle est très bonne. Très bonne. C'est très, très bon choix. Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. C'est un très bon choix. Oui, c'est Jolly Good Fellow. Oui, c'est Jolly Good Fellow. Non? Oh, je pense que la première heure est finie. Hein? Oh oui, c'est vrai. On est fatigué. On se retrouve avec une deuxième heure tantôt. Simon Fédibé va être avec nous pour partager le plaisir. C'est une vraie. C'est vraiment contagieux. C'est une lèpre de ces fous. Une lèpre de ces fous. On a sorti le slogan hier, ou encore, on pourrait appeler ça une maladie de la vache céphale. Oui. Ou la bactérie C. diffosfossile. Foule-foussile. Ou la maladie transmise radiophoniquement. Ah, encore. Hein, on a tous les slogans. Restez avec nous. Hey, manquez pas ça quand même. Des niaiseries de même. On va... ça vaut la peine. C'est pas à salut bonjour qu'on va voir ça. Ouais. Pas à salut bonjour. Jamais à salut bonjour. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et on est toujours en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 24 mars. Tu t'as bien le mentionné, Mathieu. Jeudi 24 mars, donc, qu'est-ce que ça veut dire, brièvement? Le 24 mars, c'est la Saint. Il y a toujours la Saint quelque chose. Il n'y a pas un Saint aujourd'hui? C'était pas loin. T'as les deux premières lettres. Salon du livre! Qui commence aujourd'hui. Donc, allez voir ça. Je pense que ça peut être intéressant. Beaucoup d'auteurs que vous pouvez d'ailleurs parler et rencontrer. Voilà. En fait, c'est une bonne... c'est du 24 au 27. C'est une bonne sortie à faire. Avec sa copine, avec sa mère, avec qui vous voulez, même tout seul. Ben oui. Allez-y tout seul. Voyons, non, ça se fait, ça? Ben oui, ça se fait. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens ont honte de manger tout seul dans un restaurant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'apportes un bon point. C'est gênant. Et puis, c'est vraiment pas déplaisant non plus quand tu le fais. Non. Donc, tu lis le journal, etc. T'sais. Alors que là-bas, au salon du livre, tu lis un livre. Ouais. À la place de parler. Oui, oui, mais il faut que tu fasses attention. Faut que tu regardes où tu vas quand même, parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Donc, pas foncer non plus dans plein de kiosques. C'est comme aujourd'hui avec les téléphones cellulaires. Les gens textent là-dessus, puis à un moment, ils foncent dans un poteau. Mais dans le temps, c'était des livres, ça. C'est vrai. C'était la même affaire, la même controverse. C'est comme Le Rock, c'est le diable. Tu sais, <t'sais, rire> les controverses, comme les bandes dessinées, ça fait que les jeunes sont des criminels. Mais, ah, je sais pas. Les controverses dans le temps, là, les bandes dessinées, le rock, etc. Ouais, ça arrive. Sinon, n'oubliez pas que c'est la semaine pour voter aux élections de l'AGEQTR. Wow, Mathieu. Wow. C'est ça, c'est exactement ces derniers jours. On a jusqu'à 23h59 aujourd'hui même pour aller voter sur le portail étudiant. Oui, on se rappelle que c'est vraiment évident comme façon de faire. C'est uqtr.ca, on clique sur le portail étudiant. Là-dedans, il y a une section message. C'est le premier message en haut, on clique dessus. Dedans, il y a une section où tu peux cliquer pour avoir les liens vers la page pour les élections. Oui, ça t'amène directement, en fait. Et puis là, tu votes, tout simplement. Par photo, par nom, par description. Il y a tout ce que vous devez savoir sur chaque candidat. Exactement. Et puis, les résultats vont être connus demain. Demain, il se met à la chasse-galerie à 11h30. Tout à fait. Nous, on en parlera évidemment à l'émission de lundi parce qu'on n'est pas en vendredi. Exactement. Et sinon, si vous voulez vous rappeler des souvenirs de nos entrevues avec les différents candidats et le débat au complet qui a été présenté lundi à la chasse-galerie, disons que vous n'êtes pas encore au courant, vous n'avez pas tous vos faits, là, vous voulez voter. La façon la plus simple de se renseigner, c'est Facebook. Allez sur la page de C'est fou 89.1 FM. Tout est là. Exactement. Très bien mentionné. Voilà. Tout à l'heure, on reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Mais avant ça, voici Tokyo Police Club et Wait Up, Boots of Danger. I'm on your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. Never get nervous anymore. So wait up. friends, always with the conversations, making up for lost time, making it with me. La pièce Wait Up, Boots of Danger de la formation Tokyo Police Club sur l'album Champ à assemblage requis au 89,1 FM. Mathieu Plante, tu me surprends avec tes choix musicaux aujourd'hui. Ah ouais? Je les aime. Ah oh ben, t'es dans ma faim. Mais ça veut pas dire que lundi, je les ai pas aimés, là. Ah oh ben, puis le mardi. Mardi. Ça, par exemple. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais Grim, aujourd'hui particulièrement, je le remarque. Ben, Colin, c'est fin de le dire. Moi aussi, j'aime bien ton choix musical. Des fois, on se complète bien, François. Des fois. Des fois, j'ai vraiment dit des fois. Hein. Ouais. Mais la plupart du temps. Non, c'est correct. Mais toi aussi. En tout cas, laisse faire. On va accueillir Simon Fitzbé. Lui, lui, il est gentil au moins. Il est gentil, c'est ça. Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Avec le micro allumé. C'était pareil, hein? Oui. Bonjour François-Olivier. Bonjour. Bonjour François-Olivier. Monsieur Fitzbé. Oh. Non, on joue aux imitations. Oui, ben c'est ça. Ben, Simon aime beaucoup imiter François-Olivier. Moi, je me suis dit que je pourrais imiter chacun son tour. T'sais. Personne m'imite, moi? Bonjour aussi Mathieu. Non. Donc, ça sonne bizarre. J'aime déjà pas ma voix le matin. Là. Je pense pas que je vais me lancer dans les imitations. D'accord. C'est pas grave, t'es pas ici pour ça. T'es ici pour parler de rock avec ta chronique Phénomène. Et effectivement. Et là, c'est Jimi Hendrix qu'on aborde. Le flamboyant et incroyable Jimi Hendrix. Oui, celui-là. Oui, parce que bien souvent, devenir une légende dans l'incroyable monde du rock requiert une carrière à la fois longue et remplie de rebondissements. Par contre, il se dresse parfois des légendes qui, de la façon des surdoués, deviennent, en l'espace de quelques années, de véritables légendes. Cette semaine, donc, nous voyons une des plus grandes légendes du rock, Jimi Hendrix, qui a réussi à quand même atteindre ce statut en seulement quelques années de carrière. James Marshall Hendrix voit le jour le 27 novembre 1942 à Seattle. Il est fils de militaire. Il est le plus vieux de 5 enfants. La jeunesse de Jimi Hendrix n'est pas joyeuse. Par contre, son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, n'arrive pas à se trouver de l'emploi, ce qui fait que la famille vit dans une misère pendant longtemps. De plus, ses parents divorcent alors qu'il a 9 ans. Sa mère était alcoolique en plus, donc Hendrix faisait souvent le chemin entre Seattle et Vancouver où il allait périodiquement rester chez sa grand-mère. Donc, il était comme à moitié canadien sans avoir ses papiers. C'est également à l'âge de 15 ans que Hendrix achète sa première guitare acoustique, donc pour le prix de 5 $. Il se consacre cœur et âme à l'instrument et obtient sa première guitare électrique par son père un an plus tard. Pendant cette période, Hendrix pratique plusieurs heures par jour, imitant ses idoles du R&B, en jouant avec ses dents et avec la guitare dans le dos. La guitare dans le dos. La guitare dans le dos, exactement. Ça commençait à être un peu spectaculaire pour ce qui est de la scène R&B et les débuts du rock, et Jimi Hendrix voulait absolument les imiter. Il donne son premier concert dans le sous-sol d'une synagogue, mais malheureusement, les membres de son groupe, le trouvant trop arrogant sur scène, et donc show-off en bon français, le renvoient à l'entracte. Il a même pas fini le show. Il a ensuite roulé sa bosse dans plusieurs groupes de son quartier, jouant sans être payé, bien sûr, pour se faire connaître. Hendrix s'est mis à la porte de son école secondaire lors de sa dernière année. Et sans emploi ni formation professionnelle, il décide de ne pas vivre dans la pauvreté comme son père. Il commet des petits crimes afin de gagner sa vie. Après avoir été pris au volant d'une voiture volée à deux reprises, la couronne lui propose deux choix. Soit il joint l'armée ou il s'en va passer 2 ans en prison. Hendrix a choisi l'armée. Pendant son service, il rencontre Billy Cox, un bassiste avec lequel il joue de la musique pendant ses pauses. À la sortie de l'armée, plus d'un an plus tard, les deux hommes aménagent ensemble dans un appartement et forment également un premier groupe. Hendrix va aussi rouler sa bosse dans plusieurs groupes entre Vancouver et le sud des États-Unis, où il va raffiner son style pendant 2 ans. Avec des musiciens de R&B tels que Slim Harpo, Tommy Tucker, Sam Cooke et Jackie Wilson. Et fatigué de se faire dire quoi faire et fort du sentiment d'être foncièrement meilleur que les groupes qui l'accompagnent, Hendrix quitte le Sud pour New York en 1964, où il est découvert par les Isley Brothers, un groupe quand même bien établi à l'époque, qui lui ont offert une job de guitariste. Son passage dans le groupe est bref, puisqu'il quitte en pleine tournée, et il est ensuite engagé comme guitariste pour Little Richard, son idole de jeunesse, avec qui il va jouer et voyager pendant près d'un an. Et après avoir été renvoyé pour avoir manqué l'autobus de la tournée de Little Richard une fois de trop, Hendrix retourne à New York et continue son rôle de guitariste pour des groupes dans les bars avant de former le sien The Blue Flame. Et c'est lors d'un concert des Blue Flame en 1966, qu'Hendrix est remarqué par Linda Keith, la copine de Keith Richards, qui présente Hendrix à plusieurs gens du métier. C'est Chaz Chandler, ancien bassiste du groupe The Animals, qui reconnaît le talent d'Hendrix. Il change son nom de Jimmy J-I-M-M-Y de Jimmy James plutôt à Jimi Hendrix, donc J-I-M-I. On fait ça plus petit. Chaz Chandler va l'amener avec lui à Londres, où il compte faire de lui une star. Around with another man. Le Jimi Hendrix Experience avec Hey Joe. Bien sûr, vous entendez cette pièce dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Et Simon Fitzbé. Oui, ça, c'est moi qui fais la chronique. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Oui. Et donc, Chas Chandler, une fois qu'il a emmené Jimi Hendrix à Paris, mais plutôt à Londres, puisque c'est une erreur dans mon texte. Donc, Chas Chandler adjoint à Jimi Hendrix le bassiste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell et met sur pied le Jimi Hendrix Experience, le groupe dont Hendrix est le meneur, bien sûr. Il s'empresse de le faire connaître partout en Angleterre. On le présente à Eric Clapton, alors guitariste de Cream, avec qui il va jammer à une ou deux occasions. Il va également ouvrir pour Johnny Hallyday en France, où il va faire un tabac. Donc, à l'époque où Johnny Hallyday était cool. Entre 1966 et 1967, Hendrix va enregistrer un bon nombre de pièces à succès, telles que Hey Joe, bien sûr, qu'on vient d'entendre, Stone Free, Purple Haze et The Wind Cries Mary, qui sont lancées sous la forme de simples. Hendrix devient peu à peu un monstre de scène et de plus en plus connu par les Anglais. Il devient littéralement un dieu du rock le 31 mars 1967 lorsqu'il met feu à sa guitare à la fin d'un concert. Et c'est cette guitare-là qui a été donnée à Frank Zappa un peu plus tard. Le premier album de Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, apparaît donc dans les bacs le 12 mai 1967. On retrouve les pièces Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Fire et Third Stone from the Sun, ainsi que Are You Experienced. L'album conquit les amateurs de musique, mais n'obtient pas le numéro 1 du palmarès puisqu'il est confronté à un album très populaire, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, d'un certain groupe nommé The Beatles. Connais pas. On n'en a plus jamais entendu parler d'eux autres, malheureusement. Après une grosse tournée en Europe, Hendrix débarque pour les États-Unis où, à la suggestion de Paul McCartney, Experience joue au Festival international de musique pop de Monterey, ce qui aide beaucoup à sa popularité. C'est aussi pendant cette tournée qu'Hendrix rencontre Frank Zappa et qu'il pose en compagnie des Mothers of Invention sur la pochette de l'album We're Only In It For The Money. Cependant, Hendrix ne connaît pas une tournée très glorieuse sur la côte ouest alors que son groupe est engagé pour faire la première partie des Monkees qui attire un public préadolescent qui ne sont pas conquis par Hendrix. Et il va quitter la tournée rapidement après y être entré. Et c'est à la fin de l'année 1967 que le second album de l'Experience paraît, qui se nomme Axis Bold as Love, qui est un album qui surprend par la fluidité de la guitare d'Hendrix, qui enregistre en stéréo et qui donne l'ambiance cosmique à sa guitare dans les pièces comme EXP, Little Wing, Spanish Castle Magic, You Got Me Floating, One Rainy Wish et Bold as Love. Le groupe retourne également en tournée en Europe ou en Suède. Hendrix détruit sa chambre d'hôtel en rage et se blesse à la main. Il affirme avoir été drogué à son insu, malheureusement. La tournée fut donc écourtée et Hendrix dut répondre à des accusations criminelles pour son geste dans la chambre d'hôtel. L'album suivant, Electric Ladyland, est encore plus innovateur. Par contre, il marque la fin de la collaboration entre Jimi Hendrix et son agent Chas Chandler, exaspéré par le perfectionnisme du guitariste. Par exemple, il a enregistré la même pièce, Gypsy Eye, 43 fois. On est un petit peu perfectionniste. Effectivement, Hendrix devient une vraie bête de studio. Il passe de longues heures et passe souvent de très strict à relâcher avec ses musiciens ainsi que les invités pour cet album, tels que Dave Mason, Steve Winwood et Buddy Miles. L'album paraît en octobre 1968 et est considéré comme un des meilleurs albums de Jimi Hendrix avec ses quatre côtés. Il est le plus ambitieux de l'artiste. Par contre, il fait scandale avec sa pochette où l'on retrouve Hendrix entouré de femmes nues. On retrouve les pièces sur cet album And the Gods Made Love, Have You Ever Been to Electric Ladyland, Voodoo Chile, Crosstown Traffic, Voodoo Child, Slight Return, ainsi qu'une reprise de Bob Dylan nommée All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. stand there to drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited, the thing they kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting later. Hey! Jimi Hendrix avec la pièce All Along the Watchtower, une de ses reprises les plus connues. C'était une pièce de Bob Dylan à la base qui l'a rendu populaire également. Ça joue dans beaucoup de films. Oui, exactement. Ben, c'est une pièce qui représente beaucoup les années 60. Mmh. On s'en sert beaucoup dans le cinéma justement pour ça, parce que c'est une très bonne interprétation. Et bien sûr, c'est dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, dans le cadre de Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui, notre cadre à nous. Oui, cadre de porte. Oui. Attention au tremblement de terre. Encore de mauvaise blague de mauvais goût. Trop tôt. Trop tôt, hein. Ouais. Et donc, pendant la tournée suivant l'album Electric et Ladyland, Noel Redding, alors bassiste de la formation, met sur pied son propre groupe nommé Fat Mattress, au sein duquel il joue de la guitare, son instrument principal. La distance devenant de plus en plus grande entre Hendrix et Redding, ce dernier quitte le groupe en 1969, au mois de juin. Il est remplacé par Billy Cox, ancien compagnon d'armes et colocataire de Jimi Hendrix. C'est dommage pour Redding, il a quitté le groupe trop tôt, puisque lors du même été, Hendrix est engagé pour jouer à Woodstock, un petit festival indépendant comme ça. Woodstock. Okay. Ouais. Il est une des têtes d'affiche et a littéralement marqué l'événement en lui donnant un concert incroyable avec une improvisation mémorable autour de l'hymne national américaine, considéré comme un des moments marquants des années 1960. Hendrix a joué le lundi matin à la fin du festival. Et on a présenté le groupe élargi comme étant le Jimi Hendrix Experience, mais Hendrix a rectifié en annonçant que le groupe sans Redding s'appelait maintenant Gypsy Sun and Rainbows, ou plutôt un groupe de Gypsy. Et par la suite, Hendrix enregistre Band of Gypsy, donc bien sûr pour faire la suite dans ses idées, un album en concert avec Billy Cox à la basse et Buddy Miles, un ancien batteur de Wilson Pickett. L'album est enregistré en concert pour échapper à des problèmes contractuels. On l'a enregistré à la fin de l'année 1969, donc entre Noël puis Jour de l'An. On retrouve sur cet album-là les pièces Machine Gun, Message of Love plutôt, et Change. Il s'agit du seul album live d'Hendrix paru pendant qu'il était encore vivant. C'est un album qui est un peu malheureusement déprécié par plusieurs des fans puisque c'est un album sans l'expérience, mais quand même la musique s'avère assez intéressante là-dessus. Hendrix essaie de reformer d'ailleurs le Jimi Hendrix Experience au début des années 1970, mais voulant donc continuer à jouer avec Billy Cox, ce retour et la tournée est mitigé. Il continue également à travailler sur son prochain album, First Rays of the New Rising Sun, pendant cette tournée dans son studio personnel, Electric Lady Studio. Pendant la tournée européenne, Hendrix est accueilli par des huées lors d'un concert en Allemagne, puisqu'il ne s'était pas présenté la nuit précédente à cause d'un danger d'électrocution. C'est le dernier concert du groupe qui a eu lieu le 6 septembre 1970. Jimi Hendrix est décédé le 18 septembre 1970, donc quelques temps après, un peu après minuit. Il avait passé la soirée à faire la fête avec sa copine. Il s'était gavé de puissants somnifères dont il ne connaissait pas la prescription. Il est mort étouffé par son propre vomi. On a retrouvé beaucoup d'alcool dans ses poumons également. Un mauvais mélange donc pour ce qui est des somnifères qui étaient prescrits. Donc c'était une prescription. Et Jimi Hendrix nous a malheureusement quittés trop tôt après un peu plus de 3 ans de carrière professionnelle. Il s'est éteint en pleine gloire et au sommet de son art, laissant derrière lui une des plus grandes légendes du rock ainsi qu'un talent insurmontable. On dit souvent que plusieurs guitaristes jouent aussi bien qu'Hendrix, mais aucun ne l'a dépassé. Probablement qu'il ne sera jamais oublié et toujours considéré comme l'un des meilleurs guitaristes rock de tous les temps. Jimi Hendrix avec Little Wing, donc tiré de son second album, Axis Bold as Love. Je croyais que c'était quand même une bonne pièce pour terminer. Également, puisque les dernières pièces d'Hendrix, surtout sur Band of Gypsy, duraient à peu près 12 minutes. Donc, on n'aurait pas eu le temps. Bon. Merci beaucoup, Simon Fidbé. Merci, Simon. D'ailleurs, on peut continuer à faire les plugs, j'en parlerai après. OK, tu veux les plugs? Ben, je sais pas, mais si tu veux des d'autres choses à discuter, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Non, j'en ai pour toi des plugs. OK. J'en ai des tonnes, OK? On commence par, disons, le Simon Fidbé en général. La journée du jeudi est appartient pas mal. Ben, l'avant-midi, l'après-midi, c'est Mathieu Plante. On est comme des colocs. Ouais, exact. Un petit peu comme Jimi Hendrix et l'autre, là. Cox. Ouais, Billy Cox. On est comme des Cox Brothers. Oh yeah! Le matin à Assemblage requis, il y avait ces phénomènes entre 7h et 9h. Exact. Sur l'heure du midi, dans Dîner de cons, c'est la chronique Le Scoot des Internets. Oui. Le soir, à 21h, c'est la saveur du moment. Oui, et c'est ça, justement, je voulais dire que ce soir, il va y avoir un peu de Jimi Hendrix également, puisqu'il y avait tellement de bonnes pièces à vous présenter que je vais en présenter d'autres ce soir. C'est parfait, ça. Et puis le vendredi, en cours de la journée, là, disons en fin d'avant-midi, début d'après-midi, continuant jusqu'à la fin de la soirée, c'est le rock classique, évidemment. Oui, exactement. Et t'as ta chronique au début de l'émission, les éphémérides du rock. Exact, de 11 à midi. Voilà. Je voulais juste dire que c'était de 11h à 17h. C'est comme de Dog Lobby. Oui, c'est de 11h à 17h, pour ce qui est de rock classique. De rock classique. Voilà. C'est ça. Merci. Ouais. Merci, Simon. Tous les plugs. C'est assez de plugs. Oui, c'est parfait, mais c'est ça. Tu peux trouver d'autres choses. Hein? Non, non. Tu vas peut-être co-animer Connaître ensemble, à un moment donné. Pense pas. Ça pourrait être intéressant. Les émissions de hip-hop. Pense pas. Simon Fitzbay, wiki. Non? Pas sûr. OK. On fera une petite pause et on revient avec François Landry et sa chronique Logo Cassis. C'est fou, là, vous avez... Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. C'est toujours Assemblage requis. Il nous reste une demi-heure ensemble environ. Maintenant, François, je sais qu'on vient juste de prendre la pause, mais j'ai entendu dire que François Landry, il voulait qu'on s'en aille aux urinoirs. Fait que, aux urinoirs, c'est toi. Citoyen. Non, je pense que t'as rajouté un noir de plus. C'est aux urnes. C'est pour inclure tout le monde, là. Non. Je veux inclure toute la communauté universitaire. Aux urnes, citoyens, voici Logocratie. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègues, s'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Salut, François Landry. Aux urnes, Mathieu. Oui, aux urnes. C'est très important de faire la différence. C'est très important. C'est pas le même gouvernement qu'on pourrait avoir à la fin. Je vais faire un autre jeu de mots. Pi. Est-ce qu'on va avoir les élections? Pi. Urinoir, pipi, ça va? C'est bon? Oui, Mathieu. Oui, je te confirme ce matin même que le 2 mai prochain, tu iras voter si effectivement tu es un bon citoyen. Bien sûr! Évidemment. Ah, c'est important, c'est important. Ah, c'est important parce que ça va tellement se jouer serré partout au pays que l'importance de la démocratie au pays, elle est en jeu parce qu'elle est en sursis présentement. Mmh. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la chronique, mais tout le monde chiale, même les médias chialent, encore une élection. Bordel. Hey, franchement. Non. C'est tellement fun, les élections. Moi, je triffe à chaque fois. Ben, pour vrai, je déteste pas ça, moi, personnellement. Et puis, comme François le mentionnait, en fait, c'est un devoir. Et ça, dans toutes les sphères, là, même ici, même aux élections de l'AGE UQTR, c'est important d'aller voter. C'est important d'aller voter aussi au municipal pour le maire. Les commissions scolaires. Commissions scolaires, les commissaires, là, oui. En même temps que les municipales, les commissaires scolaires sont payés 20 000 piastres par année à rien foutre si on leur donne pas de mandat. Donc, ils vont siéger là une fois par mois, 20 000 piastres par année. Je pense que c'est un bon sideline. Pas pire, ça arrondit fort une mot. Pas pire, moi j'irais volontiers. Là. Donc, élisez-moi. oui, donc, le 2 mai, Mathieu, tu seras appelé à te prononcer pour un des 14 à 20 partis qui vont se présenter au pays. Tu savais pas qu'il y en avait autant. Non, je savais qu'il y en avait des pas bidons, parce que chaque parti a une raison d'être et d'exister, on s'entend. Oui. C'est ça. Mais oui, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus. Puis quand je j'aurai la liste officielle, ça me fera plaisir de vous faire le programme, non pas des cinq principaux partis, mais le programme des petits partis. Juste encore le rhinocéros rose, là, ou le parti du rhinocéros. Oui, ça, effectivement, c'est une tradition au pays. Ouais. Mais je t'annonce aussi, peut-être en primaire, je vais peut-être me faire taper ses doigts, qu'à Trois-Rivières, il y aura un parti encore pire que le parti néo-rhino. Ce sera le parti d'antan. Je vous en dis pas plus. D'antan, comme dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, tout là. Tout le monde avait des préjugés contre tout le monde. Je veux pas saper leur slogan tout de suite. Je veux pas le dévoiler, mais je vais le dire quand même parce que je connais très bien les personnes qui vont se présenter ici même à Trois-Rivières. C'est, les conservateurs veulent nous faire reculer dans 50 ans en arrière. Uh-huh. Non, 350 ans. Ah, ouais. Ah bon. Ah oui. Fini le niaisage. On sort les petites perruques blanches puis la poudre dans le toupette. Fait que bientôt, prochainement, il devrait y avoir un dévoilement officiel ici même à Trois-Rivières. Un parti dûment enregistré par le directeur général des élections. Donc, on va pouvoir voter pour eux autres. Ça sera surveillé. Et même, je vous invite à faire une entrevue avec les candidats. Ça pourrait être agréable. Ça va être assez intéressant, disons, pour pas en dire plus. Donc, oui, le 2 mai prochain. Pourquoi le 2 mai? Parce qu'il faut suivre la procédure électorale, le processus qui nous mène jusqu'au déclenchement des élections. Et est-ce qu'on va... Pourquoi on va en élection? Hein? On a dit, est-ce que c'est à cause du budget qui a été déposé la semaine dernière, cette semaine, en fait, mardi, le 22 mai, tous les partis de l'opposition ont dit, on votera pas pour ce budget-là. Donc, en principe, un vote sur le budget pour l'entériner, si l'opposition, comme elle est majoritaire, disent, on ne vote pas pour ce budget-là, le gouvernement reçoit une gifle d'en face en disant, t'as pas fait ta job, donc, démissionne. Donc, c'est ce qui devrait arriver. Mais ce n'est pas sur le budget que le gouvernement va tomber. Si vous vous rappelez bien, il y a 2-3 semaines, je vous avais dit que le gouvernement Harper était dans la grosse merde pour avoir merdé sur deux points. Le fameux rapport de Bev Oda, vous savez, elle avait écrit à la main sur un rapport officiel, note, pour ne pas autoriser le paiement d'un groupe, d'un organisme communautaire. Donc, elle était intervenue malgré l'avis de ses fonctionnaires. Donc, elle avait politisé un dossier qu'elle n'aurait pas dû, effectivement. Là, elle a été tapée sur les doigts avec ça. Il y a une commission parlementaire là-dessus. Elle s'est fait taper sur les doigts. On lui a demandé sa démission. Elle a dit non. Harper l'a défendu. Donc, ça, c'est réglé. Donc, il y a eu un vote là-dessus. Comme il n'y a pas eu ben de monde qui a voté. Bon. Ce vendredi, donc demain, pour ceux qui nous écoutent en direct du jeudi, il y aura une autre motion de vote. Mais cette fois-ci, c'est dans le cadre de la journée de l'opposition. À chaque session parlementaire, chaque parti de l'opposition a sa journée à lui. Donc, ils peuvent amener des projets de loi, amener des propositions. Et là, c'est une motion de confiance envers le gouvernement de Stephen Harper pour outrage au tribunal. C'est très grave. Ça serait la première fois de l'histoire canadienne que le gouvernement en place se voit accusé, oui, carrément, d'outrage au tribunal. Pourquoi? C'est par rapport à la commission sur le côté éthique, sur les dépenses dans la justice criminelle. Il aurait outrepassé son mandat en subventionnant encore plus qu'il n'avait le droit de le faire. Donc, il a, en bon français, bypassé la volonté des parlementaires en octroyant l'argent surplus. Donc là, l'opposition était furieuse contre ça. Ils ont dit non, faut que tu respectes quand même les crédits qu'on t'a accordés. T'as pas le droit de dépenser comme tu veux. Donc, on va voter. T'as perdu ma confiance. Donc, le Parti libéral de Michael Ignatieff apporte une motion de non-confiance, une motion de défiance, le vrai terme, au Parlement. Et le Bloc québécois, Gilles Duceppe, et le NPD de Jack Layton ont dit nous autres aussi, on va voter pour cette motion-là. Et donc, dans l'ordre chronologique, demain après-midi, motion de non-confiance. Immédiatement après, premier vote sur le budget. Donc, dans l'ordre chronologique, le gouvernement va tomber avant qu'on puisse parler du budget. Donc, à la suite de ça, le vote passe. Si tous les députés sont en place, puisqu'il pourrait y avoir une épidémie de grippe comme par hasard, ça arrive assez souvent au Parlement des fois, on vote contre. Oh, ben, j'ai la gorge, j'irai pas en matin, je pense. Ça pourrait arriver, mais là, autobus, on les a vus aux nouvelles cette semaine, les autobus sont déjà tagués. À Montréal, il y a déjà des pubs du NPD. Oui, monsieur, puis à Trois-Rivières, ça s'en vient, ça sera pas long. Les candidats sont déjà tous choisis. Ça risque d'être enterré officiellement, mais ils sont déjà choisis. Donc, dans les prochaines heures, ça devrait commencer à s'afficher. Wow. Oui, donc là, Harper, quand il va avoir sa motion de non-confiance dans le visage, il a 24 à 48 heures pour se traverser le parquet donc du Parlement pour se rendre à la résidence du gouverneur général. Pour demander des pour demander, monsieur, s'il vous plaît, veuillez dissoudre le gouvernement au nom de la reine, je vous en supplie. Ah, c'est le protocole. Salut Marie. Presque. Pas sûr, mais presque. Il y a sûrement une petite prière là-dedans, comme quoi Dieu vous bénisse, mon fils. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Donc, ensuite, déclenchement d'élection. Le directeur, voyons, le gouverneur général a en main la gouvernance de l'État. C'est lui le chef de l'État, c'est pas le premier ministre, c'est le gouverneur général. Donc, il dit, on déclenche les élections et selon le calendrier électoral, donc 30 jours de campagne, tombe le 2 mai prochain. Donc, ça, c'est le processus. Donc, la grosse enveloppe qui va faire en sorte que dans 2 semaines, il devrait y avoir un débat en français et un débat en anglais des chefs. Des 5 principaux partis, Elizabeth May, Jack Layton, Michael Ignatieff, Gilles Duceppe et Stephen Harper. Elizabeth May parle français? Ouais, je crois. Non, mais c'est pas vrai, ça a passé d'incroyablement mauvais à lamentable son français. Ouais, mais je pense que la caricature de Marc Labrèche est meilleure que la vraie. Ouais. Au moins, Marc Labrèche, on comprend ce qu'il veut pas dire. Mais oui, les 5 partis seront là. Les tiers partis qu'on va en parler seront pas invités parce qu'ils ont des scores phallémiques dans le genre de 1%, moins de 1%. Des fois, ils ont 15 votes. Mais bon, on verra quand même qu'est-ce qu'il y en est. Et le 2 mai, donc, élection générale au Canada, la 4e fois en 7 ans. Puis, est-ce que c'est bon pour les partis, en fait, de l'opposition, de faire tomber le gouvernement plus sur, c'est ça, en fait, la mention de non-confiance que sur le budget? Oui, ben c'est stratégique, tout simplement, parce que le Bloc québécois avait dit pour le budget, nous autres, on veut le 2,2 milliards en retour pour l'harmonisation de la taxe. Il l'a pas dans le budget, donc Bloc a dit, je vote pas pour le budget. Michael Ignatieff a dit c'est un gouvernement de droite, un budget de droite. Nous autres, on n'en veut pas parce qu'on est de gauche, donc on vote contre. C'était Jack Layton qui avait entre les mains le sort du gouvernement. Tout le monde croyait que c'était pour prendre 24 à 48 heures de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on accepte. Parce que dans le budget, 2 des 5 mesures du NPD sont acceptées. Donc, le retour du programme sur les ressources éco-énergétiques, donc subventionner les entreprises qui se deviennent vertes. Et aussi les rentes pour les personnes âgées. Les personnes âgées et les aidants naturels. Donc ça, c'était 2 mesures du NPD qui ont été acceptées dans le budget. Donc tout le monde aurait pu dire, 2 sur 5, c'est quand même bon, le NPD pourrait accepter. Mais Jack Layton a dit non. Il n'a pas pensé longtemps. Non, il y a eu le huis clos, donc du budget, présentation. Et dès qu'ils ont eu le budget, ils l'ont juste lu les grandes lignes puis ils ont dit non, ça marche pas. 15 minutes après, selon les journalistes présents à huis clos, on savait déjà que le NPD refusait le vote. Donc, 1 heure après la sortie du huis clos, ils ont fait leur conférence pour dire ça. Mais bon, ils ont brisé le suspense. La seule jouissance qu'on aurait pu avoir dans ce budget-là a été... on a fait ça vite. Mais techniquement, dans un monde idéal, le NPD serait toujours contre un budget conservateur. Dans un monde idéal, mais faut pas oublier que Jack Layton est très malade. Vient de s'en sortir pour un cancer. Il a l'air en forme. Il est suivi par un médecin quotidiennement, mais une campagne électorale, ça fait vieillir un homme. Il dit la campagne, c'est un bon exercice. Oui, ça, je le crois. Puis on voit qu'il est pimpant, mais il marche avec une canne. Donc, moins d'activité, moins de présence. Plus fatigué, exactement. Peut-être plus à pic lors des questions, les séances de questions. Donc, on verra comment ça va se dérouler. Mais moins de présence. Puis on sait que Jack Layton, c'est le visage du NPD. Nommez-moi juste 2 autres candidats du NPD à part Thomas Mulcair. Ouais, disons que il y aurait une rechute où il serait vraiment malade pour le débat. Est-ce qu'il pourrait être remplacé par Thomas Mulcair? Légalement? C'est son lieutenant au Québec, mais c'est pas son lieutenant... au gouvernement canadien. Donc, on pourrait avoir un débat français avec Thomas Mulcair et un débat anglais avec un autre. Ça pourrait être une solution envisagée, effectivement. Pour l'instant, c'est pas du tout sur les planches à dessin, mais oui, si Layton se sent trop fatigué, trop malade ou ce qu'on souhaite pas, une rechute, il pourrait y avoir remplacement de dernière minute. En même temps, Thomas Mulcair, il est assez impulsif, ce serait peut-être pas bon de l'avoir en débat. Oui, mais ça pourrait être, au contraire, dynamiser le débat, parce qu'on sait que le débat avec Harper, il se met sa défensive, et Mulcair, s'il décide de sortir les crocs, ça pourrait faire mal. Ça pourrait. Mais on verra. Puis, j'aime ton idée, Simon. Je pense qu'on va envoyer un courriel, un tweet à Layton pour dire « Hey, laisse... Hey, hey! Laisse Mulcair répondre. » Mais bon, on verra bien. Là où je voulais en venir à ta question, François-Olivier, sur la stratégie, c'est mieux de faire tomber le gouvernement sur le budget. Harper a dit, regardez, on a fait un budget pour tout le monde. Il était bon pour les personnes âgées. Oui, exact. Puis il a saupoudré. C'est le budget où il y a le plus de saupoudrage de budget. Donc, au lieu de dire, on met 15 milliards dans telle affaire, non, on met 15 fois 1 milliard dans 15 projets différents. Donc, il a saupoudré, donc, en voulant dire qu'il y a rien. Mais il y a le mis partout. Surtout pour les communautés culturelles et les minorités visibles, soit les petits organismes, les petits groupes de pression, pour avoir leur appui, pour dire, hey, on vous a donné votre subvention cette année, là. Ouais. Un retour d'ascenseur. Mais là, une couple d'années, on vous a coupé. Mais bon. Ça ne le diront pas. Ah non, ça ne le diront pas. On l'a oublié. Ouais, non, c'était les libéraux, sûrement. Ben, ouais. Bon. Maintenant, à savoir si c'est mieux de tomber sur une motion de défiance. Oui, parce que ça va faire tellement mal au gouvernement Harper. Comme je disais, c'est la première fois dans l'histoire canadienne qu'un gouvernement tombe parce que... Ah ouais, la première fois? La première fois parce que le gouvernement... On accuse le gouvernement. Carrément, c'est pas on ne fait plus confiance, on t'accuse. Mais il peut-tu avoir des conséquences? Comme c'est ça, s'il y a des accusations portées... Non, ils ont l'immunité parlementaire, premièrement. La seule répercussion, ça serait de plus gouverner. Et de perdre ses élections et de tomber dans la déchéance par la suite. Il pourrait y avoir, après la mise à la retraite de Harper, un retour devant les tribunaux là-dessus. Mais actuellement, ça tombe dans l'oubli. Mais c'est juste une petite vengeance personnelle en chant pour dire « T'es un... » Pas un crotté. Un croche. Un croche, merci. Mais on t'aime plus. Fait que voilà, tu perds ta job, on te remplace. Et voilà, va-t'en dans les méandres de l'opposition pour une couple d'années. Ça va être le message véhiculé par l'opposition, ça. Le gouvernement coupable d'outrage au Parlement. Ça devrait faire extrêmement mal à Harper. Mm-hmm. Donc, je le répète, 2 mai, c'est encercler votre calendrier à cette date-là, mais conserver quand même votre stylo proche au cas où que ce soit le 9 mai. Parce que c'est une ou l'autre. C'est le 2 mai, assurément, mais le 9 mai, tout dépendamment si Harper prend 24 ou 48 heures pour traverser le parquet. Là. On verra bien. Et là, comme disait Michael Niatief hier en entrevue, vous avez deux portes, une porte bleue et une porte rouge. Oui. Quelle mauvaise allégorie. Si vous avez écouté l'entrevue avec Céline Galipeau, il s'est même trompé de porte. Il s'est même comme indigné pour avoir l'air plus proche. Il dit « Voyons donc, Céline! » C'est n'importe quoi, ce gars-là. Mais ça, c'est sa stratégie naturel, présentement de dire la porte rouge chez les libéraux. Donc, c'est l'ouverture, la complaisance, le progressisme. La porte bleue, c'est les F-35 qui coûtent trop cher, la prison, la criminalité, la guerre. C'est bizarre l'image de deux portes. Ouais, ça veut rien dire. Peut-être en anglais, il y a peut-être une expression qui correspond à ça, puis nous autres en français, on la comprend pas. Ouais, je pense que c'est ça. Mais au Québec, on est mieux de pas jouer avec les couleurs parce qu'on sait que le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Tu sais, c'est quoi que j'ai trouvé le plus. Mathieu, c'est bien. Tu sais, c'est quoi que j'ai trouvé le plus drôle là-dedans? C'est que toute la journée du budget, j'ai écouté surtout la fin, là, lorsque ça a été. Toutes les parties se sont. Ont déclaré et tous les conservateurs disent « Ah, nous autres, on n'en veut pas d'élection, c'est juste le parti, les partis d'opposition. » Voyons donc, ils passent des pubs depuis le mois de janvier. Ça fait partie de la stratégie pour dire « Regardez, on fait pitié, là. C'est pas de notre faute. C'est pas notre faute, ça va coûter 300 millions. C'est pas de notre faute. Ils prennent le monde pour des caves. 300 millions, de toute façon, c'est tous les repas qu'eux autres prennent sur le dans leur voiture de fonction. Ouais, c'est investi dans l'économie canadienne, donc pour se sortir de la crise économique, on va réinverser 300 millions. Donc, oui, c'est bon pour ça, une élection. Ça a fait travailler, tu sais, poser des pancartes, les afficher, les bureaux de scrutateurs, ça a fait travailler du monde quand même. Donc, je suis content qu'il y ait une élection. Le taux de chômage va baisser. Et là, la grande question qu'on se pose, que hier, j'ai un suiveur qui m'a posé la question, à savoir... Un suiveur, c'est sur Twitter, ça. Sur Twitter, oui. Tu fais bien de le mentionner. Je me demande bien c'est qui. Qui m'a demandé, penses-tu qu'il pourrait y avoir coalition? Non. Moi, j'y ai répondu gentiment. J'y crois vraiment pas. Mais après Niatief, sûrement. Pourquoi Niatief dit toujours « Je ne veux pas de coalition ». Il l'a écarté du revers de la main depuis qu'il est au pouvoir au Parti libéral. Et aujourd'hui, dire « Oui », ça serait faire preuve de mollesse. Donc, il dirait « Je viens de pogner la chienne devant les sondages. Je vais me rallier. » Donc, il le fera pas. C'est pour son image. Peut-être dans sa tête, il dit « Ouais, finalement, j'aurais dû accepter. » Mais dans les faits, il a pas le droit de le dire. Donc, non. Layton et Duceppe ont dit « On laisse la porte ouverte à une telle coalition. » La coalition pourrait ne pas survenir avant les élections ou pendant, mais bien après, si c'est un gouvernement Harper minoritaire. Mais là, si ça arrive, Niatief est obligé de démissionner de son parti parce qu'il aura échoué une fois de plus à apporter un succès au Parti libéral. Donc, le prochain chef, Bob Ray ou Dominique Leblanc ou même Martin Cochon, Denis Coderre, à la limite. Ah, ça serait cool. Ça serait. On aurait du fun sur Facebook. Oh, je pense qu'il serait tout le temps en train de tweeter. Donc, ça pourrait arriver, je dirais bien, pourrait. Mais je veux juste qu'on revienne un petit peu en arrière dans l'histoire. Il y avait eu la proposition de coalition en 2008 avec Stéphane Dion, qui avait avorté, qui avait créé quand même une crise constitutionnelle au Canada. Mais avant ça, en 2004, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était peut-être trop jeune à l'époque, tout le monde. Moi-même, je m'en souvenais pas. Coalition conservateur Bloc? Oui, monsieur. Ouais, ouais. Stephen Harper, le même qu'on connaît aujourd'hui, avait approché le Bloc, avait approché aussi le NPD pour dire Paul Martin vient d'être réélu, vient d'être élu à la tête d'un parti minoritaire libéral au Canada. Ça serait bien d'avoir une coalition Bloc conservateur NPD. Et là, le même Stephen Harper aujourd'hui décrit sous tous les toits la coalition des séparatistes et des socialistes. Ben ouais. M'excuse, mais les conservatistes aussi voulaient une coalition. Les bloquistes aussi, ils disent ça, hein, socialistes. Il y a un discours qui se rapproche quand même des conservateurs sur certains c'est points. C'est des anciens conservateurs, il ne faut pas oublier ça. Ah ouais. Le Bloc est issu du Parti conservateur. Vas-y. Et si le NPD, mettons, exemple, ils ont un mauvais score aussi aux élections, est-ce que ça se peut que ça soit la fin carrément pour Jack Layton? C'est, on ne se le cachera pas, c'est la fin de Jack Layton cette année. C'est carrément ça. C'est une autre prédiction que je fais. D'ici 18 mois, il y aura un nouveau visage à la tête du NPD. Ça fait longtemps qu'il est là, oui. Il a quand même réussi à augmenter le score du NPD, mais sans faire des scores vraiment à la hauteur de ce parti-là qui est quand même reconnu comme un parti officiel et coast to coast. Donc, il est partout au pays. C'est la dernière élection de Jack Layton. Son état de santé, je crois que ça va lui gruger beaucoup d'énergie. Et même s'il n'y avait pas eu d'élection, il aurait démissionné soit au courant de l'été ou à l'automne. Selon. Il va vouloir passer du temps avec sa famille, etc. Oui, exactement. Donc, avec sa femme, Madame Chow, qui est très active sur Twitter, elle aussi. Oui. Bon. Ah oui, le NPD, c'est le parti le plus Facebook-Twitter. Twitterific. Et pour les gigs de l'informatique, NPD a lancé une application Apple. Oh. C'est le premier parti en Amérique à lancer une application Apple. Oh. Donc, c'est la première guerre politique sur les réseaux sociaux qui se dessinent. Donc, Mathieu, je t'invite à suivre ça de très, très proche. Je vais faire ça. Mais moi, je suis prêt à prédire que dans cette élection-là, il n'y aura pas d'attaque entre les libéraux et le NPD. T'es-tu d'accord avec moi? Il pourrait y avoir un pacte de non-agression. Ouais. Des attaques, oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y aurait deux courses à la chefferie en même temps, d'après moi, qui pourraient bifurquer sur une. À un moment donné, ça. Exactement. Mais là, il restera à savoir aussi, pour terminer, Québec, qu'est-ce qui va arriver à Québec? L'amphithéâtre, ça va être un enjeu électoral. Le maire Labombe a dit je vais me taire pendant la campagne électorale parce que j'ai encore besoin du Parti conservateur, parce qu'on sait qu'ils vont se faire réélire, donc je ne veux pas les attaquer trop. J'ai besoin de José Werner, donc. Et, à savoir si elle aussi va être réélue. Elle, probablement. Mais tous les autres là, autour, André, Arthur et compagnie, là, qui lui est indépendant, ils pourraient débarrasser le plancher assez facilement. Et aussi Jean Charest qui a indiqué hier qu'il ne demandera pas, il ne va pas s'immiscer dans la campagne électorale. Donc, ça va être une campagne électorale assez plate pour ceux qui voulaient avoir de l'action, une guerre Québec-Ottawa. Mais bon, on suit ça 2 mai prochain aux urnes citoyens. Oui, merci. Et donc, aux urinoirs. Même si on peut y aller avant ou après pour se soulager. Ouais. Et lequel a le plus de fil? C'est quoi, toi, Mathieu, tu n'iras pas voter et tu vas aller à l'urinoir à la place? Non, je vais faire les deux, je suis capable. Oh, cool. Oui. merci beaucoup, François Landry. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, parce que vous savez que le GEQTR est en grève jeudi prochain et je me devrais de respecter la ligne de piquetage. Donc, je ne serai pas sur le campus ce jeudi. D'accord. Sinon, quand même, tu parles de la GE. On vous rappelle aux gens de voter pour les élections de la GE en ce moment. C'est jusqu'à aujourd'hui, jeudi soir à minuit, à moins une minute. Là, 23h59. Et les résultats seront connus demain, vendredi, à 11h30. À la Chasse Galerie. Préférablement midi. C'est les souhaits de Simon. C'est pas toi qui contrôle, Simon, là. Ouais, je sais pas, l'UQTR pourrait avoir un bug informatique pendant une demi-heure. Bon. toi qui es le scout des internets, tu vas t'arranger pour trouver un hacker. Hein, exactement. Bon. Donc, François Landry, dans deux semaines, jeudi 8h30. Oui, promis. Merci. Nous, on continue en musique avec Young Galaxy. Voici The Angels Are Surely Weeping. Et on revient avec la conclusion de la semaine. We were conduits of asleep and self-indulged. We've lost our air. Yes, the Angels are surely weeping de la formation Young Galaxy sur le palmarès anglophone de C'est fou, et c'est ce qui termine cette émission d'Assemblage requis. Déjà, on a passé une belle émission. On va remercier Karim Ouellette qui a passé un bon bout d'émission avec nous en entrevue au début de l'émission. Ensuite, on a eu Simon Fitzbé. Merci à toi. Ouais, bonjour. Merci à François Landry. Merci François aussi. Oui. Merci Mathieu Plante. Merci François-Olivier Marchand. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission pendant la semaine. On va se retrouver lundi matin à 7h avec une toute nouvelle émission. Il va y avoir, entre autres, la présence de Stéphanie Gagné. Les résultats des élections aussi, ici bien même sûr. De la GE UQTR. Bien sûr, bien sûr. Sinon, restez à l'écoute pour Tour d'Afrique avec Rachel qui s'en vient à 9h. Et puis ensuite, à 10h, c'est Connaître ensemble. À 11h, évidemment, soyez à l'écoute du Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. C'est toujours aussi divertissant, musical et con. Toujours. C'est vraiment les trois poteaux de cette émission, si on veut. Comme nous, on a d'autres poteaux, j'imagine, de qualité. Très fait fort, mettons. Ces poteaux-là sont vraiment solides. Lâche pas, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous. Bye. Bonjour. Bye, bye. Poteau, tu voyais ce que c'était comme une analogie de béton, si on veut. C'était... Béton armé. Béton armé. C'est comme ça que je décrirais ça, finalement, nos poteaux. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.